Le porte-parole du comité coréen pour les aides aux compatriotes d'outre-mer a lancé le 25 un entretien qui dit notamment « Le petit matin du 19 dernier, les autorités japonaises ont poussé les agents de la direction d'enquête conjointe de police de la préfecture de Kyoto et des départements de Kanagawa, de Yamaguchi et de Shimane pour perquisitionner au domicile des permanents de la Tsongyon, Association Générale des Coréens Résidents au Japon et d'autres compatriotes, ainsi qu'au bureau de leur compagnie et agence de tourisme, sous prétexte de violation du droit cambière. Ce jour-là, ces voyous précipités par surprise chez le président de la filiale de Sibse de la métropole de Tokyo de la Tsongyon l'ont interrogé en vain sur les liens avec le comité central de la Tsongyon en vertu du droit cambière, avant de confisquer aveuglément des dossiers de sa compagnie. En même temps, les agents de la direction d'enquête spéciale de police ont perquisitionné de force pendant 2 jours au domicile et compagnie du président de l'association de football des Coréens au Japon et du chef du département international de cette association en les liant avec la violation du droit cambière de la compagnie d'un japonais, Emu Create. Ces perquisitions sont destinées d'un bout à l'autre à incriminer à tout prix la Tsongyon comme formation illégale afin de porter atteinte au prestige international de la République populaire démocratique de Corée et de la Tsongyon et de susciter l'atmosphère contre la République populaire démocratique de Corée et la Tsongyon partout au Japon en vue d'élaborer des prétextes pour empêcher les activités justes de la Tsongyon et des Coréens au Japon et réprimer la Tsongyon par tous les moyens. La Tsongyon est une partie précieuse de notre République, alors que les ressortissants coréens au Japon sont d'une famille partageant du même sang avec notre patrie et notre peuple. Plus les autorités japonaises s'affairent aux répressions de la Tsongyon, organisation des citoyens d'outre-mer prestigieuse de la Corée du Sud, malgré nos avertissements réitérés, plus l'hostilité de nos militaires et civils contre le Japon sera grande, et toutes les conséquences qui en découleront le retomberont d'un bout à l'autre.